107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Dominique Mathieu qui va nous parler du rideau des loges. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je suis Dominique Mathieu, je suis originaire de Saint-Étienne-lès-Mirmont, plus précisément de la Suche, petit havre de paix entre Saint-Étienne et Éloi. En quelques mots, je suis originaire de milieu agricole. Je suis formatrice dans une maison familiale pour enseigner tout ce qui est technique agricole. Voilà, ma passion, c'est l'agriculture, la nature et le théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association Le Rideau des Loges ? Donc, Le Rideau des Loges, c'est une association dans une association, puisque Le Rideau des Loges, c'est la section théâtrale de la Jeune Garde des Lois. Donc, la Jeune Garde des Lois, une vieille association qui a plus de 100 ans, qui avait pour but à l'origine de la préparation militaire, donc qui regroupait de la gymnastique, de la musique, et il y a eu une section théâtrale de créer pour ramener des fonds et faire fonctionner cette association. Donc le Rideau des Loges, qui a aussi plus de 100 ans, puisque nous avons fêté ces 100 ans en 2019. Et je crois que j'ai vu la fanfare, c'est de la Jeune Garde, c'est ça, pour la commémoration du 11 novembre dernièrement. Oui, donc c'est une section aussi de la Jeune Garde des Lois qui s'appelle les 100 pistons, qu'on peut retrouver dans pas mal de manifestations dans les Vosges, mais aussi un petit peu partout en France. Est-ce que vous savez qui a créé l'association Le Rideau des Loges ? Entre 2000 et 2005, on a décidé de la troupe théâtrale de se donner un nom et on a choisi Le Rideau des Loges. Il n'y a pas eu de création particulière, c'est une continuité. Et depuis que cette troupe existe, on a toujours repris des comédiens, ont repris la main pour continuer cette activité. Et elle se trouve où, l'association ? Alors, elle se trouve à Éloi. Quand est-ce qu'on peut y aller ? Alors, justement, à partir de samedi, on est présent. On est présent sur les planches à partir de samedi 18, 20h30. Vous pouvez venir nombreux nous applaudir, enfin, j'espère. J'ai entendu dire que la troupe d'Éloi était pas mal connue et qu'il y avait beaucoup de bons retours. Oui, on est assez connu parce que c'est une vieille troupe et on est quand même assez nombreux en troupe amateur au niveau du département. Mais on est peu à jouer à cette période-là. On est assez connu, on se déplace pas. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas très facile parce que il y a une grosse charge au niveau de la manipulation des décors, etc. Donc on reste dans nos murs. On a la chance d'avoir une belle salle de spectacle au niveau de la commune. Et on peut jouer 6 à 7 représentations et accueillir 1600 à 1800 spectateurs. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles dans l'association actuellement ? Alors nous, pour notre section, parce que les autres sections, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre, mais pour notre section de théâtre, on est entre 20 et 25 bénévoles, puisqu'il y a le noyau dur, enfin il y a les acteurs, les souffleurs, mais on a tous nos conjoints ou nos enfants qui nous rejoignent pour nous donner un coup de main quand on est en représentation. Entre le bar, le changement de décor, s'il y a changement de décor, etc. Il y a toujours du monde autour de nous. Et justement, vous êtes présidente de l'association, mais est-ce que vous avez commencé en tant que bénévole ? Alors, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 11 ans, donc on ne m'avait pas encore nommée présidente. Mais j'ai dû sur depuis l'âge de 11 ans. Bon, aujourd'hui, je ne vous dirai pas mon âge. Pour moi, j'ai toujours 29 ans et demi. Mais il y a fait, effectivement, ça fait quelques années que je suis dans la troupe. J'ai dû ne pas jouer deux fois. Parce que j'étais enceinte, donc à la naissance de mon fils qui est né en octobre, donc pour moi ça n'avait pas été possible de jouer cette année-là. Et une année où j'ai repris mes études, que j'ai refait une licence à Nancy, j'avais beaucoup de travail personnel, donc je m'étais donné une année de pause. Mais avec quand même un petit pincement au cœur. Ça me faisait mal de ne pas être avec mes collègues sur la scène. Et depuis que vous êtes dans l'association, vous avez dû faire partie de plusieurs troupes du coup ? Pas vraiment, on est des irréductibles. Donc effectivement, il y a des changements parce qu'il y a des gens qui vieillissent, qui arrêtent, etc. Mais derrière, il y a des remplaçants. Ça se fait un petit peu naturellement, mais il n'y a pas tellement de mouvement. Est-ce que l'association est à la recherche de bénévoles actuellement ou pas ? Bon, on est une grande famille, donc c'est vrai qu'on peut accueillir du monde, mais on n'a pas spécialement besoin de bénévoles, quoi. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si jamais on veut faire partie de l'association ? Eh ben, il faut me donner vos coordonnées. Et voilà, on vous invite. Mais après, c'est vrai qu'on a, un fonctionnement où on est peu nombreux finalement, puisque je vous disais à peu près, on est une dizaine pour le spectacle, entre 10-12 pour le spectacle, et puis nos conjoints ou nos enfants. Donc on est assez peu. Il y a peu de gens de l'extérieur qui viennent pour nous donner un coup de main parce que, je sais pas, on a une habitude, un roulement et voilà, c'est tout se fait naturellement, quoi. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de théâtre. On vous laisse avec les Hurlements de Léo avec leur titre L'accordéoniste. À tout de suite sur Radio Guémozo. J'ai vu un accordéoniste déferler comme un flot de paroles trop courtes et ce silence qui en dit long, trop long, vraiment long sur la vie. Elle n'a de cesse à cette heure-ci me rappeler à t'expliquer ce petit moment passé avec toi. Désabuse mes vertus les plus sûres, le sommeil, la faim et la famille et tous les amis qui sont là à écouter sans se soucier ce que cela implique. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, plus rien à faire qui pourra vous déplaire. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, la valse est là, je veux mon pote, la valse est là, je veux mon porte. Qui debout sur la table, ma carte m'inspire la vision d'un moment impalpable. Et le malin commande ma bouche à des pour une femme. Et le malin commande ma bouche à des pour une femme. Et le malin commande ma bouche. Rire, pleurs, chagrin, tous genres ne seront pas pour nous déplaire. Mais ce soir, vous expliquer l'harmonie avec laquelle on vous sourit. J'ai rien à dire. Sans dire n'importe quoi, plus rien à faire, qui pourra vous déplaire. J'ai rien à dire. Sans dire n'importe quoi, la valse est là, je vais à mon pote. La valse est là, je vais à mon pote. J'ai vu un accordéoniste. Thank you. sommes de retour sur les ondes de RGM avec Dominique Mathieu. Alors vous disiez que vous faisiez du théâtre depuis l'âge de 11 ans, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Eh bien, j'avais 10 ans, je suis allé voir jouer la troupe à Éloi. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents, moi je veux jouer du théâtre. Donc effectivement, quand j'étais à l'école primaire et tout, je m'amusais beaucoup à faire de l'improvisation. J'ai eu un peu de mal à les convaincre, parce qu'on me dit, ouais, mais t'es un petit peu jeune et tout. Mais finalement, ça tombait bien, ils avaient besoin de quelqu'un dans la troupe des jeunes à ce moment-là. J'ai tenté ma chance et j'y suis encore. En plus d'être une passion, est-ce que c'est un exutoire aussi pour vous, le théâtre, ou pas ? Eh ben oui, quand même, parce que les répétitions, etc. C'est vrai que quand on travaille à l'extérieur, des fois on est content de rentrer à la maison, de se mettre au chaud, puis d'être tranquille, et là il faut sortir, il faut aller à la répétition, donc c'est quand même deux fois par semaine, de 8h30 de 20h30 jusqu'à 23h, etc. Et quand on rentre à la maison, on n'a pas juste à poser la tête sur l'oreiller et de s'endormir. On mouline un petit peu à ce qu'on a vécu avant en répétition, ce qu'il faut améliorer, etc. Mais la cerise sous le gâteau, c'est quand on est sur scène, on oublie qui on est, on rentre dans la peau d'un autre personnage et on donne un moment de bonheur à des gens qui ont envie aussi de rire et de passer un bon moment. Et ça c'est la récompense de tout le travail qu'on a eu avant. Est-ce que vous pensez que le théâtre, ça peut aider une personne timide à l'être moins ? Oui, bien sûr que ça peut aider, parce que c'est une manière de s'exprimer et d'entrer dans la peau d'un autre personnage, et je pense que ça peut aider. Alors, je voulais partager une citation avec vous de Christophe Wiesmann qui dit que si un endroit où tout est possible, c'est le théâtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Oui, tout est possible. C'est vrai que tout est possible puisque, encore une fois, comme on met notre veste, on met un autre chapeau, on est quelqu'un d'autre et je crois que là, on se lâche. Est-ce que le fait d'être quelqu'un d'autre le temps d'une représentation, on peut se perdre aussi parfois à force de répéter le rôle et d'entrer dans la peau du personnage ? Un temps, on va garder un petit peu son personnage, mais pas très longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes monté sur scène et comment est-ce que vous êtes senti à ce moment-là ? Il y a quelques années quand même, alors j'ai sans doute eu le trac, mais je l'ai toujours le trac. Heureusement, c'est une bonne maladie, hein. C'est ce qui fait monter l'adrénaline, mais je me souviens plus très bien. Si vous pouviez donner envie à quelqu'un de faire du théâtre, qu'est-ce que vous lui diriez ? Eh ben, il faut déjà qu'il ait envie. On ne peut pas forcer quelqu'un. Il faut que ça vienne de lui. Et venez nous rejoindre, on est une grande famille. Et ça ne doit pas être évident pour les nouveaux arrivants de s'intégrer dans la troupe. Comment est-ce que vous les accueillez ? Les dernières arrivants, ça fait dans la troupe des adultes, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là. Et il y en a un, c'est le fils d'un acteur, donc il n'a pas eu trop de mal, quoi. Et puis l'autre personne, je pense qu'elle n'a pas eu du tout... Les autres personnes n'ont pas eu du tout de mal à s'intégrer parce que c'est le même esprit d'équipe. Alors, vous me disiez hors antenne que vous aviez 3 mois intenses, à savoir à partir de septembre jusqu'à décembre, mais vous faites quoi les autres mois d'avant ? Eh ben, on fait pas de théâtre, on fait pas de répétition, donc on prend quand même un peu de temps pour des lectures de pièces, parce que il faut savoir que c'est ça le plus dur en fait. Jouer, c'est rien quand on a le texte, mais c'est trouver la bonne pièce, et ça c'est parfois compliqué. On peut en lire beaucoup avant de tomber sur la bonne pièce. Quand on la lit, il faut qu'elle nous fasse rire, qu'on ait déjà imaginé la distribution des rôles, qu'on sorte des schémas classiques. Enfin, pour moi, perso, j'aime bien sortir des schémas classiques, de pas être dans le salon bourgeois avec les portes qui claquent, malgré qu'il peut y avoir des comédies très drôles hein, dans ce répertoire. Mais j'aime bien la petite originalité. Et vous auriez des petits exemples à nous donner, par exemple des rôles que vous aviez joués il y a quelques années ? Bon, j'ai eu des rôles remarquables, dont un où je m'appelais princesse dans Pouscadi. Donc celui-ci est mémorable. C'est-à-dire ? J'étais une princesse, mais qui vivait dans la rue. Alors nous parlerons d'un futur événement à venir un peu plus tard dans l'émission. Et combien de membres compte la troupe actuellement ? Donc nous sommes 9 acteurs, nous avons une souffleuse, un technicien, et voilà. On est tous, on a pas un metteur en scène, on est tous sur scène. Donc on a aussi une grande habitude de jouer ensemble. Donc on connaît un petit peu les réactions de chacun et le répertoire de chacun. Et on donne tous un petit peu notre avis sur la mise en scène, nos idées, etc. C'est un vrai travail d'équipe. Est-ce qu'il y a des débutants ou est-ce que tout le monde a le même niveau ? Il n'y a pas de débutants là pour l'instant, on a tous le même niveau. C'est quoi la tranche d'âge environ des membres de la troupe ? Alors, 30 ans et quelques, et la barrière des 60 est passée aussi, pour certains. Comment est-ce qu'on peut rejoindre le rideau des Sloges ? Est-ce qu'on peut s'inscrire toute l'année ? Ben, s'inscrire toute l'année, pas vraiment, puisque nous, on se retrouve début septembre. On a choisi une pièce en amont, on se retrouve autour d'une table début septembre, on fait notre distribution des rôles, et après on attaque le travail pour monter la pièce. Donc on fait pas de jeu, de scène ou de cours de théâtre, etc. Une fois qu'on a monté notre spectacle, qu'on a joué, ben on ferme le rideau pour la partie théâtre et on se retrouve. Alors, on se retrouve quand même fin de l'été, puisque depuis 3 ans maintenant, on accueille une troupe de théâtre des professionnels. Bon, ça c'est un petit peu suite au Covid. Où les intermittents du spectacle, ben, ils avaient un peu galéré. Et nous, on n'avait pas donné de spectacle l'année du Covid, on n'avait pas joué. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas inviter une troupe de professionnels et de bénéficier et puis d'animer un petit peu le village avec un spectacle en plein air et avec une restauration, buvette. Voilà, donc cette année, le 2 septembre, ben, nous avons fait notre soirée style guinguette et toujours en invitant cette troupe de théâtre qui a joué dans le parc derrière la mairie d'Éloy. Il y a combien de troupes au théâtre des Sloges ? Est-ce qu'il y a une troupe, par exemple, pour les ados, une troupe pour les adultes ? Alors, il y a la troupe, nous, on appelle la troupe des jeunes. Donc, effectivement, c'est un groupe d'ados. Ils sont une dizaine. Et ils vont jouer avant la pièce des adultes. Alors, justement, il y a Jérôme qui s'occupe des jeunes. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur Jérôme ? Eh ben, Jérôme, depuis quelques années, il s'occupe de la troupe des jeunes. Donc, il est quand même, c'est quelqu'un qui est bien intégré dans le milieu, bien actif dans le milieu associatif, puisque il fait du théâtre, mais il encadre aussi des jeunes au foot et tout. Donc, il est quand même très actif au niveau associatif. Et justement, pour parler de Jérôme et un autre des acteurs, ils ont écrit une pièce pendant le Covid. Ils habitaient dans la même commune, donc ils pouvaient se rejoindre et se jeter dans l'écriture. Donc, ils ont écrit une pièce qu'on a jouée il y a 3 ans. Et on a eu la joie d'aller la voir jouer par une troupe en Belgique il y a de ça une semaine. Et ça doit être assez gratifiant de voir ça. Ben, c'est surtout gratifiant. Ce qui est surtout gratifiant, c'est que nous, on l'a joué, mais on avait les auteurs avec nous. Donc, eux, la mise en scène, elle a été très facile parce que dans l'écriture, il y avait toute l'imagination derrière, qu'est-ce qu'ils voulaient sur scène. Mais la troupe belge n'avait pas les auteurs avec eux et ils ont interprété exactement comme ils l'ont écrite, si on peut dire. Qu'est-ce qui se passe si un comédien oublie son texte ? Eh ben, on compte sur la souffleuse, mais un vrai trou, sur scène, eh ben, on est hermétique à tout. La souffleuse, elle peut souffler, mais on n'entend pas. Un vrai trou, c'est vraiment un vrai trou. Et elle se cache où, sous la scène? Elle se cache sous la scène, oui. Et vous en servez souvent? Ça arrive de temps en temps ou... Oui, ça peut arriver. Hein. Des fois, il y a des répliques aux répétitions. Il y a aucune difficulté. Puis un jour en représentation, on ne sait pas pourquoi. Ça sort pas. J'ai vu sur votre page Facebook que vous avez fait une générale. C'est quoi une générale? Eh ben, c'est une répétition en, on va dire, en situation comme si il y avait du public, où là on va mettre nos vêtements, on va utiliser des accessoires et en fait voilà, c'est aussi voir ce qui va pas et prendre des habitudes avec certains accessoires ou certains costumes. Est-ce que ce sont des intervenants extérieurs qui viennent voir la générale ou est-ce que c'est des membres de la troupe? C'est plus ou moins des connaissances, etc., qui viennent, mais là, on a été obligé de la faire pendant une répétition, un mardi soir, donc il y avait très peu de monde, quoi. Est-ce que c'est difficile de reprendre son sérieux quand on a un fou rire? Parfois, oui, ça peut être difficile. Ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. À cause d'un oubli de texte ou la situation, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des comédiens qui peuvent vous faire des petites farces sur scène? Voilà, il y a les petites farces ou une situation. Voilà, c'est du direct. C'est quelque chose de vivant. Je veux dire, le théâtre, en tant que spectateur, ça se vit. Moi, je suis incapable de regarder une pièce de théâtre sur un écran. Il me manque quelque chose. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, on a besoin de le vivre. Parce qu'il y a toute l'imagination qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui se passe derrière les décors, les sons et tout. Je veux dire, vous entendez le bruit, vous êtes spectateur, vous entendez le bruit d'un scooter, etc. Votre imagination, en tant que spectateur, vous l'imaginez, elle sort, elle monte sur son scooter, elle démarre. Enfin, vous l'imaginez dessus. Il y a tout ce qui se passe derrière qu'on peut imaginer. Et sur un écran, cette imagination-là, elle est pas présente. Elle se vit pas pareil. Ça doit être assez impressionnant avant de monter sur scène quand on entend les spectateurs qui s'installent dans la salle. Impressionnant. Bon, après, il faut se dire, quand on est sur scène, on voit pas le public. On a les projecteurs, etc. Et on fait pas une fixation sur le public. On le voit pas, on le distingue. On va distinguer des personnes, mais on ne fixe pas le public. C'est compliqué de faire un coucou à la famille, alors. À la fin. Est-ce que vous avez des rappels, des fois? Oui, bien sûr. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un certain spectacle qui se déroulera dès le samedi 18 novembre. On vous laisse avec Sting et Diego Palavas. À tout de suite sur Radio Gémozo. Thank you. Vous écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo. 107.0. Retour sur les ondes de RGM avec Dominique Mathieu. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site stream.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez aussi nous écouter localement en branchant votre transistor ou votre autoradio sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Dominique ? Alors, il y a plusieurs choix, donc j'ai fait une petite liste, hein, parce qu'elle aurait pu être longue. Mais donc, j'avais choisi Les Hurlements de Léo avec l'accordéoniste, parce que c'est quelque chose de festif, qui dit festif, dit social, etc. Donc après, Sting, le Désert Rose, parce que c'est une musique qui me fait voyager. J'ai l'impression que on ferme les yeux et on fait un grand voyage. Donc c'est aussi sympa, c'est reposant. Diego Palavas, parce que c'est un groupe que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller voir avec mes enfants et qui bouge bien, donc qui me correspond aussi. Alors, le samedi 18 novembre est une date particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh ben oui, c'est bientôt. Et c'est notre première. Donc, il y a toujours un petit moment de stress, de pression, de mise en place du décor, de tout, des accessoires. Comment la pièce va être... ressenti par le public, etc. Les premières impressions. Et c'est toujours un grand moment. Qui a écrit la pièce de cette année ? Alors, cette année, donc nous avons certains contacts et par hasard, dans notre boîte mail, on reçoit des auteurs, des mails avec des pièces d'auteurs. Et là, ça s'est fait comme ça. Donc, l'auteur Bernard Laine m'avait envoyé plusieurs textes et en fait on a trouvé un texte qui nous correspondait. Et comment s'appelle la pièce ? Que d'os, que d'os. C'est pas que d'eau, que d'eau, parce que ça c'est aujourd'hui. Et c'est quoi l'histoire de la pièce ? Alors, il y a beaucoup de petites références dans cette pièce. Donc c'est dans un village. Donc ça se déroule, toutes les scènes se déroulent dans un bistrot, épicerie, le lieu où il y a un lien social. Donc ça c'est important, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui et ce qu'on aimerait préserver dans tous les villages. Donc toutes les scènes se déroulent dans ce lieu, chez Sissi précisément. Et il y a une bande d'irréductibles gaulois qui sont en train de se concerter pour faire capoter un projet d'enfouissement de déchets radioactifs sur une terre agricole. Donc c'est un petit peu l'histoire, elle tourne autour de ça. Donc il y a des références en utilisant des sites qui ont été utilisés pendant la dernière guerre mondiale. Voilà, on a des petits clins d'œil historiques, des petits clins d'œil environnementaux et liens sociaux. Et quel sera votre rôle, vous, dans la pièce ? Oh là là ! Donc, je suis issu du milieu agricole et je reste dans le milieu agricole. Je suis éleveuse de moutons, mais un peu revêche. Si on veut en savoir plus, il faut aller voir la pièce. Ah voilà, oui. Alors, qui s'occupe des sons et des lumières ? Alors, c'est Raphaël. Donc, c'est une personne qui est acteur dans d'autres troupes avec nous et là, qui a la technique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la personne qui s'occupe des décors de la pièce ? Alors, les décors. Donc là, on a la chance d'avoir un artiste avec nous qui doit occuper, qui est depuis peu en retraite et donc qui a trouvé une super occupation. Il est venu naturellement de donner un coup de main pour les décors. Et voilà, les décors, c'est du trompe-l'œil. Et le résultat est magnifique. Rien que pour ça, venez samedi. Qui s'occupe des costumes ? Alors là, il n'y a pas de costume spécifique. On va dire, chaque acteur se débrouille pour trouver les vêtements adéquats qui conviennent pour jouer son personnage. Pendant longtemps, j'ai aussi fabriqué des costumes. Après, il y a la maman de deux acteurs qui fait pas mal de couture, qui nous, quand on a besoin, qui est présente et qui nous fait des costumes. Mais on n'a pas de costumière attitrée, on va dire. Et combien est-ce qu'il y a de place ? Dans l'espace culturel, on a donc une tribune avec 234 places. Et on rajoute trois rangées de chaises devant et on a à peu près 300 places assises. Et quand est-ce qu'on pourra vous retrouver sur scène ? Dès samedi. Et les autres dates ? Le 24, donc la semaine prochaine, le vendredi soir, le dimanche 26 novembre, le vendredi 1er décembre, le samedi 2 décembre et le vendredi 8 décembre. Donc, à notre grand regret, on n'a pas pu avoir plus de samedis parce que la salle ne nous est pas dédiée qu'à nous. Il faut qu'on partage aussi. Donc, il y avait des manifestations, la Sainte-Barbe avec les pompiers, etc., du département. Donc, on doit de temps en temps partager. C'est normal. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de commandes de tickets pour venir vous voir ? Oui, il y a déjà des séances qui sont où il n'y a plus une place de libre dans la tribune. Ça, c'est pour la séance du 2 décembre, je crois. Mais on a toujours un peu de mal de remplir la première. À notre grand désespoir, parce qu'on n'est pas plus mauvais à la première qu'à la seconde représentation. Mais malgré tout, la première est toujours difficile à remplir. Donc j'encourage les gens à oser et à venir dès la première. Puisqu'après, ça pose quand même quelques problèmes. Parce qu'après, il y a le bouche à oreille et on se retrouve un petit peu saturé, quoi. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde parce qu'après, ça se remplit très vite. Et comment est-ce qu'on peut réserver si on veut voir la pièce ? Alors, vous pouvez réserver par téléphone, donc au 03 29 32 32 57, ou alors par internet avec www.billetweb2023.kedos.kedos. Et le prix de l'entrée, il s'élève à combien ? Alors, pour les adultes, il est à 9 euros et pour les enfants, à 6 euros. Je crois que ça fait 20 ans que c'est au même prix. Est-ce qu'il y aura une restauration sur place ou pas ? Il n'y a pas de restauration sur place, il y a juste une buvette. Et le nombre de places disponibles pour chaque représentation à peu près ? Eh bien, 300. Et c'est beaucoup. Combien vous m'avez dit par an ? 1600 spectateurs, je crois, hors antenne. Oui, 1600. On est même monté un petit peu plus certaines années. Bon, après, quand il y avait eu le centenaire, etc., on avait quand même marqué le coup. Donc là, on avait eu un peu plus d'entrées. Et normalement, l'an dernier, on a joué 7 fois. On a eu 7 représentations. Bon, c'était après le Covid pour éviter de mettre des chaises, moins de personnes concentrées au même endroit. Donc, on avait ajouté une séance supplémentaire. Cette année, on l'avait prévu, mais malheureusement, il y avait un empêchement pour un acteur de jouer à cette date-là. Donc, on a été obligé de l'annuler. Mais l'année prochaine, j'espère, on va reprendre cette représentation. Est-ce que vous avez une personne qui va s'occuper de placer les gens dans la salle ou pas ? Alors, oui, on est acteur, mais on fait un peu tout aussi, hein, entre du décor, du costume, mais aussi, on va placer les gens. Et il y a les gamins de la troupe des jeunes qui donnent un bon coup de main, qui, eux, placent aussi. Et ça doit prendre du temps de tout mettre en place, d'être préparé avant que les gens arrivent, tout ça ? On sait que samedi, on va être fort occupé avant de jouer. Mais après, je pense qu'on a une certaine habitude et on a une bonne complémentarité entre chacun. Et ça se fait relativement bien. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose après ce spectacle ou pas ? Ça, c'est l'acte qu'on ne dévoilera pas à l'antenne. C'est, c'est le moment privilégié pour les acteurs. C'est plus dans le partage. Donc là, nous, on décompresse. Et donc, on, généralement, on a un petit casse-croûte de prévu. On joue aux cartes, on joue aux dés. Mais ça se termine pas toujours très tôt, mais voilà, c'est un moment qu'on a besoin aussi. Est-ce que vous avez déjà eu un article dans la presse comme Vosges Matin ou Remiremont Info, etc. Oui, on en a régulièrement. Et donc, il y a un article qui est passé dans Vosges Matin samedi, où là, on avait mis en avant notre décorateur, notre peintre décorateur. Est-ce que vous avez des futurs projets avec l'association Le Rideau des Sloges ? Eh bien, de continuer ainsi encore longtemps. Et puis... Après, oui, on a des projets. Pas vraiment d'innovation, mais je pense qu'on va toujours faire notre soirée de fin d'été, notre soirée extérieure de plein air, et voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, donc si vous tapez, nous avons une page Facebook, Le Rideau des Sloges. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous, à l'association Le Rideau des Sloges et à la troupe de théâtre ? Eh bien, bonne chance pour samedi. Cette émission est maintenant terminée. Dominique, merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que de nombreuses personnes iront voir votre pièce « Que dos » qui se déroulera dès ce samedi à l'espace culturel des Lois. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura, bye tout le monde.